On est au départ de la randonnée. On est où là? Dis-moi, on est où, Didier? Ben, à la chapelle encore. On est à la chapelle, d'accord. Ouais. En fait, on est à la sortie de la chapelle et ça va monter maintenant. Ouais. Tu vois où on va aller ou pas? On voit le bout de l'Olan, là, presque. Ça monte très fort partout. Bon, Sylvie, tu nous as préparé quoi, toi? Alors, regarde, ça c'est quoi? Ça c'est du... café? Plantation, machin, c'est du café. Cappuccino. Ah. Sylvie, tu es formidable. Et ça, c'est pour goûter le gâteau d'abord. Non, mais d'organiser tout ça. On cherche un voyant pour servir. On cherche un voyant pour servir. Et pas à côté des tasses. Hein. Alors, ça me rappelle quand même Sylvie qui se sert un café une fois. Et elle dit au bout d'un moment, ah merde, je suis à côté. je t'ai remis ton café. Ouais, mais le capuchon de Montpierre, quelqu'un l'a pris. Alors, il y a quelques chocolat, pomme, cannelle. Après, faut, tout ce qu'on mange, on n'a pas à le transporter. Hein. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors, Christiane nous fait une photo pour le départ. Bouge pas. Ah, parce que c'est vrai qu'on... On fait des aménagements, là. Ça, elle est bruyante, quand même, toi, mais... Ouais. J'ai mis un petit mousqueton à côté, cogne. Il pourrait pas mettre une corde et que je m'accroche au nuage? Grande marche. Et à gauche, petite marche. Racine à droite. Rocher au milieu. On reste à gauche, c'est ça. Voilà. Exercice, page 1 sur 3. Durée 1H, 10 minutes 4 secondes, appuyez deux fois pour modifier les données. Distance 2,00, appuyez deux fois pour modifier les données. Altitude 1459, appuyez deux fois pour modifier les données. Dénivelé 392, appuyez deux fois pour modifier les données. À droite. Et à gauche. On est monté de 400 mètres? Oui. Ah oui, seulement. Seulement. Merci Isabelle. Moi j'aurais dit déjà. Oui. Pour encourager. Oui, on marche qu'une heure, hein. 1h05. Oui. Ah oui, d'accord. À gauche, petite marche. À droite, marche. Marche. Grosse marche. Et encore. Bah, on ne peut plus voir la voiture, c'est plutôt à droite, mais on voit la Séverès, la rivière, en bas, et après tous les virages qu'on a fait. D'accord, toute la... Et en face, on voit le vallon qui mène à Pétarel. Non, c'est pas là. Non. C'est Navette et les Oules. Navette. Voilà. Navette, les Oules du Diable et le sommet tout au fond. Mais Navette, c'est un village abandonné, c'est ça? Oui, c'est ça. Petite marche, grande marche. Tourne légèrement à gauche. Et tout de suite à droite avec une marche. Et là, il y a des marches. Et à gauche. Et on tourne à droite. Grande marche. Là, on regarde la cascade. Ah, c'est qu'on entendait d'en bas là. Oui. Donc là, la cascade est là. Juste là. D'accord. Ça descend dans l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Magnifique. Ça fait beaucoup d'écume blanche. Oui, ouais, c'est ça. Bah, je vais boire un coup. Isabelle, tu te sens guidée. Ça va aller? Oui, bah, je reste avec vous. Je reste derrière. Donc il faut changer la couchette. On est parti? C'est reparti. N'hésite pas à te parler. Oui, d'accord. Légèrement à gauche et là, tout droit. On part sur la gauche pour éviter un gros rocher. Tu te coupes le long ou pas? Oui, ça va. Oui, ça marche bien. Attention, rocher à gauche. Le truc, c'est tu veux? Dis-moi. Là, on entend bien, ça va. Mais il vaut mieux prioriser l'endroit où je passe. Même s'il y a un caillou à droite, toi, tu vas dire serre à gauche. D'accord. Parce que moi, des fois, si je suis pas attentif, j'entends le mot droite et j'aurais tendance à aller à droite. Ok. Toi, il vaut mieux qu'il dise serre à gauche. D'accord. Je privilégie voilà, ce qu'il faut faire. Voilà. Au lieu de ce qu'il faut éviter. Voilà. Si tu peux. Ok. Ouais. Bon, ben, on arrive au nuage là. Ouais. Allez. Attention, laisse passer. Bonjour. Merci, bonne journée. Médaille d'honneur. Voilà. Ouais, merci. C'est sur le rocher, comment? Waouh, c'est incroyable là. Ouais, ça beau. Tombe. Waouh. C'est dans ça. Là. On a de la chance avec le temps. Hein. Tiens, Roland, tu veux du taboulé? Tu veux du pain avec? Mais hier soir, on était à Gap, Pierre. Ah ouais? On est allé voir un concert Michael Jones hier soir à la Batineuve. Ah, c'était bien? C'était super. Là, on est juste au-dessus de la cascade, là, du coup. Oui. Wow. Magnifique. C'est un grand pas, et après, on passe à gauche. À droite. On reçoit un peu des embruns là. Hein? On reçoit des gouttes. On va s'arrêter sur le pont pour prendre des photos. Voilà, là on passe sur le pont. Wow. Et si tu regardes là, il y a une énorme cascade qui tombe et après ça coule très vite. Ça remue. Wow. C'est vraiment une petite photo. Photo. Photo, ouais. Allez, un petit sourire. Allez, c'est les chamois. Allez, on avance. C'est un peu plus technique ici, mais moi j'aime bien. Ah oui. À gauche. Là, il y a tous les virages qu'on a fait. C'est impressionnant quand même. Tu fais avec le bâton, voir comment ça fait. Là. Hein. Et tu dis, les voitures, on les voit du coup là ou plus du tout? Oui, maintenant, oui. Et par rapport au bâton, comment oui, je peux oui, le mettre? Oui, là. Okay. Ouais. Donc. Ça va la Manu? On est à 800 mètres, les gars. Fais une petite pause, glou. Petite pause. Uh-huh. Viens, mon ami, viens. Boire un peu. On voit le refuge! Le soleil arrive! Alors, bienvenue, vous entrez dans un territoire protégé, respectez la réglementation, merci. T'as un premier logo avec une canette au bout d'un doigt et c'est barré, donc il faut que tu redescendes ta canette, tes poubelles. Deuxième logo, c'est une fleur, tu n'as pas le droit de la couper. Troisième logo, interdiction de faire du feu, donc t'as un feu barré. Quatrième, un chien barré, pas d'animaux. Cinquième, un vélo barré, ouais, pas de vélo. Ici, un vélo. Et un sixième, de tente, non. Il n'y a pas aussi interdit avec une chope de bière? Allô, pousse. Oh, il y a un Allô, chat. Oui. Il y a un petit chat. T'es beau, toi. Oh là là. Mignonne. Nous, on a deux chats, tu vois. Oh. Oui, normalement, plus que deux couleurs, c'est toujours des femelles. D'accord. On s'est habillé un peu. On range la casquette, c'est le cache-bro. 2345 mètres. Pourquoi t'es arrivé là? Normalement, c'est là. Non, pas. Tu te trompes pas? Il se trompe pas des routes. Randonnée, 6,34 km, 5h19 minutes 15 secondes, 1218e, 2969 kilocalories. Eh bien, bravo, hein? Bravo tout le monde! Tout le monde est là? Non, c'est bien. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Framboise. On attend que tout le monde soit là pour commander les bières. Allez. Combien de bières? Tu veux une bière? Moi, j'en veux deux. Une bière. Qui veut une bière? Une bière. Ouais. Ah oui. Ah, moi, oui. Une, deux, trois, quatre. Michel a levé le doigt. 5 minutes aujourd'hui. Tchin-tchin. Merci au guide en tout cas. Santé à Kirsten, on a fait une belle montée. Attention, je veux bien me récupérer là. La soupière. Merci, j'arrive avec la suite. Déjà le riz. Il y a une personne végétarienne à cette table. Et voici, rougail de saucisse. Merci. Alors, la cuillère est tournée vers moi. Donc, on va dire deux petites coucougnettes à chacun. Ah oui. Mais là, Roland, il faut vraiment que tu arrêtes. Il y a un, deux, trois chocolats. Ça fait huit. Et un...

pom, pom. Bonsoir Nicolas, bonsoir Pimprenel, bonsoir Grand Nounours. Bonne nuit les petits, dormez bien, faites de beaux rêves. La route sera dure demain jusqu'au pas de l'Olan. Et moi je remonte voir le marchand de sable. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. La la la la. La la la la la la la la la la la la. Tu te gênes quoi toi Sylvie? Tu te gênes quoi? T'as mangé quoi? Mes deux petites tartines comme d'hab. Oui. Passe-moi ton bol, je vais le prendre. Ça va vite, ça. Elle est quelle couleur, là, la conscience de mélèze? Orangée. Tu veux quelque chose? Oui, j'attendais, il y a déjà qui était debout. Voyons voir. Du coup, on a fait des thermos d'eau chaude ou pas? Après, s'il n'y a pas de café, c'est pas très très grave. Bon, c'est quoi, là? On est où, là? On est parti. Bon, c'est l'heure du départ. Oui. Alors, on part par la droite ou par la gauche? Michel, on y va. Oh, bon, merci, siffle-moi, si tu veux. Des petits pas, trois pas. C'est pas grave, il y a un pied dans l'eau, t'inquiète pas. Voilà, tu fais un grand pas, sinon t'es dans l'eau, là. Ah, on va arriver vers le soleil. Et voilà. Et voilà. On arrive. Tu le sens ou tu vas quelque chose? Moi, je le sens sur ma peau, là. Oui, mais tu vas pas. Non, rien. Et là, pour te dire, là, ça fait des sensations. J'ai presque les poils qui s'irritent sur le. Oui. Sur les bras, là. Donc Kirsten a une clochette devant moi sur son sac à dos. Et du coup, c'est ce qui fait ma base de direction. Mais surtout, c'est toutes les indications qu'elle me donne par rapport au terrain. Oui. Le gauche, le droite, les marches hautes. Je marche à peu près 1m50 derrière. C'est les derniers lacets là. Là, il y a marche à gauche. Plus de mérite que nous. On arrive. Yippee! Après, ça serait bête d'habiter ici et de ne pas faire tout ça, quoi. Bien sûr. Mais la chance que l'on a, surtout, c'est d'avoir des gens qui s'impliquent et qui sont là, quoi. Ah, c'est trop beau. Ouais. Mais, comme je disais à Françoise, quand je guide, j'ai pas le vertige. Si tu te tournes, tu peux t'asseoir là. Alexis qui nous fait un tour d'horizon là. Oui. On est à quelle altitude? 1695, c'est marqué. Ah, c'est en face de moi, il y a quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a en face de Sylvie? Des montagnes. Que des rochers, mais je ne sais pas les noms. On ne voit plus, il y a le... Non, Didier, ne dites pas ce que l'on ne voit pas. Dis-nous plutôt ce que l'on voit. En fait, c'est un passage compliqué où on descend et il y a un peu de vide, quoi. C'est bien sentir le grip des semelles. Voilà, tu y es, c'est parfait. tu sens le rocher. Alors, tu es en appui sur les mains et tu as le grip des pieds qui est parfait. Tu peux avancer doucement avec les pieds sans problème. Tu sens ? Ouais. Change de main, change de main. Descends la main. Tu le sens avec les doigts ? Oui, là on a fait le plus dur. Tu tournes le dos à la pente à partir de là. C'est bon. Et puis là, t'arrêtes les frais parce qu'on est arrivé. Allez, merci. Super. Félicitations. Total, exercice, page 1 sur 3, durée 3 H 49 minutes 57 secondes appuyé deux fois pour modifier les données. Distance 5,00 appuyé deux fois pour modifier les données. Altitude 2203 appuyé deux fois pour modifier les données. Dénivelé 425 appuyé deux fois pour modifier les données. Il y a un panneau, il y a quoi marqué ? Ouais, le panneau du col. Il y a combien là ? Il s'appelle comment ? Le col. Col Colomba. Je vais te dire l'altitude. Il y a Kirsten et Sylvie qui arrivent. Alors Jean-Louis. 2410. 2410. Ce qui n'est pas beaucoup parce que c'est même moins haut que le. À peine plus haut que le refuge. Parce qu'en fait, on est passé jusqu'à 2007 quasiment. Mais là, c'est un passage très très technique avec beaucoup de dévers et de précipices. Et là, pour vous dire, on est parti depuis 4 heures quand même. Il est même un peu plus. 4h30 même. Bravo les filles! 1, 2, 3, 4 marches. Et on est là. Donc c'est Kirsten et Sylvie qui arrivent. Alors Sylvie, ça va? Et voilà, on est là. Ouch! Wouhou! À mon âge, j'ai plus de souffle. Et c'est presque plus dur que le pas de l'eau, quoi. Oh, oh punaise! Et ton temps, il faut mieux qu'on tienne le sac pour les monter. Oui. C'est la moindre chose à dire, du coup. Il y a moins oui, c'est ça. Mais c'était super. Bon, on est à quasiment 10h30 de marche, les gars. Hein. On arrive où ? À Villa Loubière ? On est dans Villa Loubière. Villa Loubière, tout le monde descend. T'as survécu ? J'ai survécu. Le pauvre Jacques, là. Allez. Bon, aujourd'hui, la météo n'est pas formidable. Du coup, on reste sur la chapelle en Val-Godemar. Il y a des gens qui nous ont rejoints hier. On est un peu plus nombreux. Et du coup, on fait la visite du parc de la chapelle en Val-Godemar. Toi, on l'avait faite, cette visite, avec l'association, un mois de septembre. Et je voulais vous demander, est-ce que ce soir, vous avez un film ou pas ? À 17h, oui. Sur les bouquetins. Notre soirée. On pourra aller directement par la rue. Il y a une carte, il faut que tu mettes les mains dessus, c'est trop chouette. On peut la toucher. Tu peux le toucher, donc c'est une carte en relief. C'est là. Je lance, ça fait une sacrée montée quand tu touches comme ça. Ah ouais, ah, dis donc. Tu veux essayer de retracer ce qu'on a fait ? Oui, si tu veux, oui. Ah, ça c'est fabuleux, hein. Donc là, on est devant une carte avec tous les massifs qui sont en relief. Et en fait, quand il y a des boutons, tu appuies et ça fait des petites lumières pour se repérer. Ça, c'est le kérosène qui part. Oui. Tu es revenu, toi ? Oui, mais elle n'y est pas. Ah. Elle ? Oui. Elle ? Elle, oui. Mais c'est une personne. Ah. Une personne, ça peut être aussi bien masculin que féminin. Tu parlais, oui. Tu parlais de la personne, toi ? Oui. Mais je retombe sur mes pieds. Voilà, du coup, comme il faisait pas beau aujourd'hui, on n'a pas marché. Et du coup, on a mangé au gîte, le pique-nique. On a fait un pique-nique à table, c'était très bien. Et là, on est au moment du café. Au bout du monde, là. Il y a des gens qui habitent à l'année juste là. Parce que c'est un cul-de-sac, là. Hein ? C'est un cul-de-sac, on peut pas oui, aller jouer. Oui, oui, oui. Ouais. On peut aller juste en navette, c'est le village abandonné, là. D'accord. Et là, c'est une piste, maintenant, plus la route. Ah ben, les houles, là, oh là là, ça coule. Wouhou ! Eh ben, merci. Ah, c'est vraiment comme ça, c'est comme une... L'eau qui bouille. Ah ouais, d'accord. Comme une marmite. Oui, une marmite. C'est ça. Là, c'est vraiment une marmite et ça tourne à une vitesse incroyable. Alors les arbres, il y en a qui sont tombés d'un côté à l'autre, ouais. Et qui font comme des ponts. D'accord. Tu vois ? Donc c'est très joli en plus. Le 20e siècle voit le jour et navette. Isolé dans ce vallon du bout du monde, compte 93 habitants. Son école accueille 25 élèves. La vie s'organise pour limiter les déplacements. le petit élevage mouton, chèvre, quelques vaches et cochons, ainsi qu'une basse-cour permet de subvenir aux besoins et de retirer quelques bénéfices de leur vente à la foire ou aux hôtels et commerces de la chapelle. On y achète alors le sel, le sucre, les pâtes. On descend par la rive droite, moins exposée aux avalanches, quand les avalanches menaçaient, raconte Léoncie Barbin, né au village en 1903. On passait à droite, le long du torrent, par le pont des Houles, avant de continuer vers les portes. Les pentes autour du village obligent à un aménagement de petites parcelles en terrasse pour cultiver seigle, lentilles et autres légumes du potager. La chasse et la pêche améliorent le quotidien. Meunier, ébéniste, cordonnier, tisserand, tailleur d'habits, ardoisier, chacun a un savoir-faire qui répond aux besoins de la petite communauté. Les guides de haute montagne conduisent les pionniers de l'alpinisme à la conquête des sommets. La pluriactivité est ainsi la règle de ce mode de vie. Là, on fait l'apéritif après une belle journée de randonnée. Allez, c'est reparti. Santé à tous. Santé. Assez belle journée. Bon, c'est le dernier petit déjeuner à la chapelle avant Godemar, avant notre toute dernière randonnée. C'est Kirsten qui est là. Je pense que Kirsten est par là. Ouais. Bon, là, on est sur le départ, les gars. Le temps, il est comment aujourd'hui, Kirsten? Bah, bouché pour l'instant, mais ça va se lever. Il y a le bleu là-bas. Donc... Il y a le bleu là-bas? Oui, oui, ça t'as va. T'as pris aller. La cape ou non? T'as pas pris la cape? Moi, j'ai pris la cape. Oui, j'ai pris la cape. On sait jamais, quoi. On sait jamais. Petite averse? Oui, oui, oui. Oui. Et comment tu te sens, Jean-Louis, ce matin, toi? Mais pleine forme. Ah! Ah bah. Bien dormi? Ça, c'est un peu moins, mais bon. Oui. Non, on parle pas. Hein. Non, non, faut pas dire. Toi, t'avais la bonne place quand même, non? Ouais. T'étais vraiment à proximité, toi. T'étais aux premières loges. Ouais, ben, il y avait deux matelas au milieu, mais bon. Si t'avais fait esprit pour faire le qu'on appelle un truc phonique. Debout, de matelas. Oui. J'aurais bien mis sur le nez. Voilà. Mais c'est vrai que ce matin, le petit déj était un peu limite, c'est dommage. Oui. On essaie de faire un peu du covoiturage, non? Il y a de la place là-haut? Michel, je vais te décrire, il y a des morceaux de nuages sur les... C'est-à-dire qu'on voit des trouées, c'est des morceaux de nuages qui s'agrippent aux montagnes. Du ciel bleu. Des trouées. C'est comme de la dentelle nuageuse. Non, mais c'est vrai que c'est particulier, Val Goudemar. Pour ça, c'est, bah, c'est trop abrupt. Là, il y a une grande cascade à gauche. Donc là, on est sur le torrent qui alimente le voile de la mariée du Gioberné. Et c'est un torrent que l'on va traverser trois fois, je crois. On va au lac du Lauzon et après au lac Bleu. Donc on arrive au lac du... Oui, Lauzon. Le lac du Lauzon. Donc après une petite heure et demie de marche. Alors qui c'est qui nous fait une petite description là? What? What's happened? Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Voilà, tu vois, t'as des nuages là. Là devant t'as des nuages. Et entre les deux, t'as une belle crête. Est-ce que t'es pessimiste toi? Non. T'as une belle crête enneigée là, ouais. À ce niveau-là, voilà. Qui fait un dôme un peu, plutôt un dôme à gauche et après ça fait une en crête. En fait, Didier m'a pris la main et a dessiné la montagne. Le lac, il est vers où, dit quoi alors là? Le lac, il est derrière nous. Il est là. Il est juste là, le lac. Okay, d'accord. Moi, je pensais qu'il était... Il est là, okay. Juste devant toi, okay. À 10 mètres, là. Okay. Alors là, on a plein de cascades en face de nous. Et quand tu dis plein, ça veut dire quoi? Beaucoup. Alors, une douzaine. Oui. Toute la largeur, hein. Oui, sur toute la largeur. Ça fait un panorama la... de cascades, quoi. De cascades. Okay. Tu as dit merci qui? Merci qui? Merci qui? Des matins. Des matins. Des matins. Encore un matin.